Hey ouais, le black boy est back. Si le fil est free, moi j'apporte une œuvre comme SFR. Dominique Strauss-Kahn, ouais j't'assure ta meuf c'est laissé faire. C'est drug fit t-shirt, meuf clean qui flirte. Leur qui au mic, qui dit rurty, dit meurtre. Tu rap up, tu traces, on est up sur place. Mais ils savent où me trouver, depuis j'passe sur trace. J'mets des claques sur track, ta meuf taffe sur Mac. Et devine qui est l'ordi, les gros, j'rappe depuis Jordi, les gros. Si c'est open bar, c'est que Black est de sortie, les gros. J'suis ce petit en cours de récré, Black a besoin de billes, les gros. Conseil, tiens ta femme, press play, tiens ta cam. J'donne des images, Kenzie, Instagram. Ok, le crack est sous prot, Black est sous drogue, Gino rabais sous le franc, tout est parfait, tout propre. Est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait. J'suis back, t'es sous le champ, et Black il a nouvelle air, comme une casquette New York. Et j'te tombe sur la tête, boy, j'maîtrise le débit. Black espagnol, boy, une bêtise, je sévis. Et j'le dis ce que tu fais, m'soul. Bibindom, tu sais que j'roule. Ta meuf dans un slim rouge, Black a besoin de Red Bull. J'me mets deux et sept boules, cristal sur la bleuta. Black il mise au vert, et sa freestyle du rameda. L'autre jour on m'a dit t'es un. J'ai dit bien, je viens juste dans Blacky dans les seins d'une mire. Je dis, je fais un tabac et je cartonne comme la fin du spliff. Et c'est que t'as tout faux. Je démarre tout chaud. Moi je veux voir la vie en rose. Et ça c'est pas nouveau. Bibibi. Je suis l'inverse du MC que tu bannis. Je ferais tout pour que tu bannis. C'est Aïssa Mani de manier le mot. Money, money, oh. Pas contrôlé comme Big Sean. Tu es bien entouré comme l'été. La colonne vertébrale, la Big Pun. J'ai besoin de bouffer, kitchen. Sans ne pas pitié, Nietzsche. Je veux faire plaisir au refrain comme Kentucky Fried Chicken. Laisse-moi toaster, Dijon. Sans besoin de rosé, ni blunt. La qui est doty, c'est comme Jordan et Scottie Pippen. Google, Google, je suis comme un singe. Sans nougat, Google, bouffe en prenant la défense des mains comme Nicolas Nkourou. Posé dans une soucoupe, dans les cieux, tes gars sont juste en dessous. Ça fait des jaloux, j'entends déjà les pigeons. J'ai l'habitude de faire des rages, hein. Autant que j'ai l'habitude de jobber pour combler le manque. J'sais comment élever une chose pas à côté. Chaque jour j'fais grimper les votes du FN sans besoin de voter. Trap 100% rap français. Yeah. Plus rien ne peut m'intimider. Dehors j'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister? Plus rien ne peut m'intimider. Dehors j'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister? Enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte. À mon retour je te couvre d'or. Lui enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte. Par mon retour je te couvre d'or. Je me suis enfermé dehors. Enfermé dehors. Enfermé dehors. Enfermé dehors. Je me suis enfermé dehors. Dans les coins les plus hardcore. Le temps que je m'évade ouvre la porte. Regarde mon corps en pleurs encore. Yeah. Ouvre-moi le temps d'une chanson. Je veux juste rentrer à la maison. Je me suis enfermé dehors. J'aimerais voir d'autres horizons, j'y veux passer toutes les saisons. Je me suis enfermé dehors. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué. Dehors, c'est chaud, mais je suis prêt, frais. Hiver comme été. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué. Dehors, c'est chaud, mais je suis prêt, frais. Hiver comme été. Dehors, mec dans l'estomac. shit dans le calva, loin de la mama. J'écoute ma paranoïa, donc ma confiance elle est à out dans le coma. Pour le moment, faut de la monnaie. Les mini montent mon humour, la rage dans les molaires. Genre le soir enfermé dans le 2-6, chicha de la guerre pour mes soldats. La rue c'est pas ma mère, c'est qu'une pute que j'utilise. Et pour la porte de sortie, j'suis un itinéraire indécis. Cette femelle veut de moi, mais rien que la justice me demande. Le cœur en or pour ceux que j'aime. Tony, t'as bien fait Dieu manie. La rue c'est pas ce que tu crois. Ma sécu ne sera jamais aux mains d'une épa. Que Dieu me préserve de prendre perplexe. Joker honnête et moi j'aime pas les épa. Maman faut me croire quand je dis que je suis désolé d'être tombé dans le panneau. Oh le tchou t'es des gueules, j'aurais simplement dû chanter le ballon. Ouvre-moi le temps d'une chanson, je veux juste rentrer à la maison. Je me suis enfermé le J'aimerais voir d'autres horizons. J'ai vu passer toutes les saisons. Je me suis enfermé le laisse-moi rentrer, je te jure, je suis fatigué. Dehors, c'est chaud, mais je suis vrai, vrai. Hiver comme été, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué. Dehors, c'est chaud, mais je suis vrai, vrai. Hiver comme été. Où sont passés les vrais? Niska à l'instant dans la nocturne, 100% rap français. Découverte de la nocturne, 100% rap français. J'espère que vous passez une bonne soirée. Les messages, vous les envoyez avec le hashtag la nocturne. Ça arrive direct dans le studio. On continue le son avec un rappeur marseillais qui est en train de tout déchirer en ce moment. C'est Jul. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Avec Khalif Hardcore maintenant dans la nocturne. 100% rap français. Voici Audi Volé. Les quartiers nord, c'est devenu GTA. Je vois que c'est la même Jul à la Puenta. Je perds des frères, le cœur s'en remet pas. Arme de guerre, calife contre l'État. Flamme au CB, voilà mon état. On fait TB, on a trop le shaitan. Lève ton verre, Liga One Industry. Grosse usine qu'on fond vers la busserine. Les petits frères, ils refont mes srines. J'aimerais les voir à fond dans le din. La BNP, chouf, un des claques avec. Lève ancienne, fais toucher la bavette. Sur mes gardes pour toucher la barrette. J'fume le fameux qui sort de la navette. Déterminé, j'tire pas sur les pigeons. J'te monte au nez, moutarde de Dijon. Faut pas rigoler, ça rafale plus dans les mollets. Trop fin de mollet, on arrive en haut du volet. On dit volet, on dit volet, on dit volet. On arrive en haut du volet. Faut pas rigoler, ça rafale plus dans les mollets. Trop fin de mollet, on arrive en haut du volet. On dit volet, on dit volet, on dit volet. On arrive en haut du volet. Gros la visière baisée, le rap là je l'ai baisé. Je te fasse là et je te saisis. Ouais, ouais, 1, 3 c'est le Brésil. Visière fumée quand je passe tu stresses. Fais gaffe ça te braque, y'a des mecs sous 16. Mais qu'est-ce qui se passe, je suis en fumée. Vois des équipes qui entourent la tête. Si petites plaques qui te mettent au sol. On trouve des plaques, ouais des grosses sommes. Le calibre dans le sac, mis c'est Wesson. Le cri de la daronne qui résonne. Y'a à peine 16 ans et tu vends les hommes. Les schmitts ils tournent dans toutes les zones. Ouais tu m'étonnes, toi tu tires, tu vends, tu braques. Je crois plutôt que tu m'étonnes. Allume le con dans la haute. Flash à la mer, rabat, conduit. Pense à mon pote et à sa conduite. Ça me dit tout, y'a pas un pour ça qu'on dit. Faut de l'harmonie, faut du harmonie, faut des armes au moins. Tout ça la grenive, où ça conduit, y'a des hommes en moins. Mais où tu vas avant que ton pare-balles. Vas-y rentre chez toi avant que je parle mal. Calife Jul dans la Audi, ça fait des poursuites, des terres, des carnages. Viens pas clasher, viens pas chanter, viens pas nager dans la cour des grands. C'est pour le partager, pour te calacher. T'as trop mes JTA sur ton écran. Faut pas rigoler, ça rafale plus dans les mollets. Trop fin de mollet, on arrive en haut du volet. On dit voler, on dit voler, on dit voler, on arrive en haut du volet. Faut pas rigoler, ça rafale plus dans les mollets. Trop fin de mollet, on arrive en haut du volet. On dit voler, on dit voler, on dit voler, on arrive en haut du volet. Faut pas rigoler, ça rafale plus dans les mollets. Trop fin de mollet, on arrive en haut du volet. On dit voler, on dit voler, on dit voler, on arrive en haut du volet. Rap français. Je suis un soldat et je me cache depuis trop longtemps. Moi je suis père de race, alors pardonnez ce couplet. Je suis pas Gandhi, je gagne pas la guerre en prônant la paix. Des étoiles pompent, les pris devant la brute et le truand. Avenger, voilà la rime des mutants. Débutant sur BPM, si le monde s'endort vite, c'est qu'il pèse le game. Prends sa dose d'endorphine, mauvais karma. La concurrence paraît apte, envoie maison gamma sur la planète trap. Carrière engagement, ils m'ont proposé l'échange. J'avoue l'offre est alléchante. Dans le cas échéant, j'entre dans la légende. Stylo entre les jambes, des mains faites pour sauver le monde. Des oreilles remplies de nerfs, trouver le tesseract et des rappeurs qui se perdent. Vendez vos âmes au diable, moi ce qu'il me suffit de faire. J'envoie mes Avengers voir Lucifer. La guerre a commencé. L'armée des lumières. Entre ombre et lumière. C'est un ami d'un nouveau genre. Ils sont là. Dites-moi la musique, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Les lyrics, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Le rap français perd son pouvoir, il a besoin d'un vengeur. Hey. Ils ont marqué son histoire, mais où sont les Avengers? Hey, hey, hey. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. J'fais mon zéro, rap game connaît mon prénom. Il fait vraiment phéno, j'kick comme un héros. J'amène ta zicotello, ça y est j'ai brisé les chaînes. J'suis dans un créneau de turfu intergalactique. Moi je rime sur Mercure, la paix moi la pute. Fais pas de tête, j'suis un mutant. Tu crèverais en luttant, enfoiré débutant. Faites un régime du camp. Là c'est du vrai hip hop que tu ressens. Wu-Tang Clan, depuis le temps Zizi Durkland. C'est comme un frérot, au-dessus du rap game, plane comme un grand héros. Pas besoin de vos bling bling à 30 euros. Excel dans la rime, fine à Montero. Kick comme un challenger, deal comme un manager. Rime en laser, deviens vert, je suis un Avenger. On veut nous enlever nos pouvoirs, et je trouve ça jeune. Ils veulent plus voir nos sales gueules au social club. Même si t'es le grain de sable, t'as à casser la machine. T'en prie, me touche pas, tu vas gâcher la magie. Oh, ne vise pas tes veines si c'est tes artères. Je ne jugerai pas mes frères si c'était ta paire. Putain trop de balivernes, je fais mes affaires. Le bâton dans les roues, man, au lieu de me freiner, ça me sert. Si tu veux me tailler un costard, moi, je marche nu. Ne renonce pas, n'en accepte pas le match nu. Le rap pas mal, ça fait mal aux faussaires. J'écoute le rap, le vrai, hein, pas les faussaires. Ils vendent leur âme pour une mallette d'oseille. Le rap c'était mieux avant, je sais plus, magnéto serre. La belle époque du vrai hip-hop, elle est déjà loin. Les derniers des Mohicans pour remplacer par des toins. Je suis pas dans le game, moi je suis dans mon coin, je brille de l'intérieur, MC laisse la lumière éteinte. Ice, or noir, eux des chaînes en top. En fait, ça veut ma mort, j'ai l'oreille à Spock. J'ai mon mic, une corde, du scotch, à base de pop, pop, pop, pop. Les imposteurs se mangent des coups de crosse. Valeur sûre, ils le savent, va leur dire, je fais de la pure, ça coupe pas au flac, t'as des guns. D'après toi, fais le malin, tu te feras sauter une couille comme Cheddar dans 8 Mile, hein. C'est ça le danger, y'a plus de plan B. Quand ce que tu rappes te fait flancher. Je suis sincère dans mes textes, mon rap comme le Raluciano. Le corps du vrai hip-hop est dans le coffre d'un piano. Nye. Dites-moi ma musique, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Les lyrics, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Le rap français perd son pouvoir, il a besoin d'un vengeur. Pensais pas être à la hauteur. Apparemment, je suis, comment déjà, imprévisible, narcissique et pas fait pour travailler en équipe. Délire, ça fait longtemps que je suis dans le rap, que je cherche ça. Sur bête, Tatini, Hermat, ça rappait sur les toits. Maintenant, ça rappe pour le fric, plus de valeur et de principe. En balle ta mère, pas de billard, de blin blin dans mes clips. Le rap est en danger, je suis venu sauver des forces du mal. J'ai mon armure, Iron Man, trop de MC sont commerciales. La vie, pas le monstre en moi, David Banner. L'athlète, c'est intouchable, mes acolytes sont toujours vénères. Je me balade comme un Touareg dans le Sahel. Je suis pas le boss de Paname, seulement le boss de moi-même. Le 9-4, c'est pratique, un problème, y'a la scène. En premier, je tue les otages, Tara, l'armée algérienne. Et mon moine, c'est pour les mecs qui ont la rage. Nos ennemis, on les terrasse, spécialiste dans le nettoyage. Comme Superman, j'vole au secours des opprimés. Dans ce bas monde, c'est pour mourir pour ses idées. J'hésiterai pas une seule seconde. Yo, musique addictive, vise du verbe à 10 rimes. À moi seul, j'suis la dream team, le style du maître. Le sticks du game, non, le sticks over. J'te brise une aile, deux, j'te twin tower. J'suis le pire maudit de la terre. L'aimer des cieux, j'me fais entendre ce que j'vois. Fermez les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Marvel arpège pour Wolverine. Gen mutant, maladie orpheline. Blockbuster, Beck Benzen. J'crache le feu purple. Bud Spencer, flow à la géométrie alien. Il me pige pas comme un Black Panther. Ta fraternité arienne. Je gomme conne sur eux. Des rimes hors normes, microbes circulent. Ouais, des knockdowns sérieux. SAMM, coloquin, détendard. En survol, ovni sur vos têtes. Des pondages de pioto. R.O.P.S. qui est l'homme élastique. Des fourrailles et la poche. J'fais du rap, pas de leur plastique. Reviens briser le game avec les frères. Montrer les crocs, le vrai hip-hop. On a marre, se laisser faire, tu viens t'appuyer. À qui c'est d'attendre, c'est pas une clash. Juste une mise à la mode. N'implique qu'une feuille corrosive comme l'amiante. Dorée d'acier quand j'passe derrière le mic. Tu te la manques, c'est pas fini. Le rap actuel, moi j'le détruis. C'est devenu de la variété, hey. Ça m'ennuie, pas une équipe, pas net.

qu'est-ce qui m'empêcherait de faire pareil? Seul dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Seul dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui, cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère. J'aimerais tout foutre en l'air. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Frôler la mort, frôler l'amour. Tu connais mes remords, hein mon amour. Putain j'ai le mort, pour nous mon amour. Je t'aime à mort, à vie mon amour. On a failli s'aimer, failli se détester. Nos cœurs comme des montgolfières, fallait les délester. Mais retour en arrière sous un soleil d'été. Les mains jointes, nos âmes se disent namasté. Et les pupilles amoureuses comme sous LSD. On s'aime le L, le MM, le J et le VSD. Mais un jour quelle idée, j'ai fait le canidé. J'ai égaré ma carte de fidélité. Avide comme un ado, les bourses pleines. Le fun sonne, les gosses plaignent en scred. Syndrome du salmum qui ne vit que par envie. Je remercie Dieu pour cet amour encore en vie. Hein. J'ai fait le sci-sci. J'étais là et bye. Quand t'as dit bye bye, mais t'as ce que tu mérites. Parce que t'as lie lie. Je me croyais infaillible. Mais j'étais faille grave. Retour en arrière sous une pluie d'été. Mon âme cherche la tienne pour dire namasté. Mais ton cœur méfiant, celui que j'ai dévasté. Maintenant surveille à tout comme la DST. Et Dieu sait comment je me suis détesté. Vanité dans ma bonté, lâche dans ma méchanceté. Nos âmes chancelantes, le démon riait lentement. Trahison tranchante, faudra plus qu'un pansement. Des peurs funestes, des promesses célestes. Quand le diable de nos cœurs faisait son festin. Mais les anges en guest ont rejoint la fête. Toi et moi, les mains jointes, portons le destin. Faire mon chapelet avec toi, ma nébuleuse. Les graines entre nos doigts, ma nébuleuse. Égrener la foi, ma nébuleuse. Tu es ma Khadija, ma nébuleuse. Tu m'as aimé quatre fois, ma nébuleuse. Tu es mon sol, tu es mon toit, ma nébuleuse. Mon encre et mon compas, ma nébuleuse. Mon garde-fou, mon cadenas, ma nébuleuse. Au final, mon unique choix, ma nébuleuse. Je veux mourir avec toi, ma nébuleuse. Tu es un manteau pour moi, ma nébuleuse. La nocturne 100% rap français avec D6, c'est extrait de l'album Translucide. Il était invité cette semaine dans Planète Rap entre 20 et 21. Dès lundi, Black M qui débarque avec son album Les yeux plus gros que le monde. La nocturne 100% rap français. Continuons encore pendant une grosse demi-heure à écouter le son de l'entourage maintenant, Caramello, dans la nocturne. Black. but, je suis un bon attaquant. J'ai de bons ailiers, la nuit porte conseil, je dormirai quand j'aurai des conseillers. Ce petit texte en chantier, sur lequel je fais une fixette. Je me dis qu'il faut que je l'enregistre en vite F. J'affronte la ligne 7 en entier. Bien assis, je pose mes guiboles. Je regarde les ivrognes et les roumaines qui volent de plein de façon, c'est dingue. Passons, Paname est un large espace. Le studio est dans 22 stations. Il faut que je me fasse un cône, mais je veux pas me faire pincer. Bah ouais, je suis pas un lapin rose. Roule un split ton blindé. Je dois passer le mi-père, mais l'essence est chère. Ça devient rare, donc les prix vont grimper. Il mange des contrôleurs, je vais ski l'avalanche. Je n'aime pas la vie, j'aime mon travail. J'en ai beaucoup, donc ça m'arrange. Fini le couplet dans le studio. Un genre de rap si chic qu'il devient classique shit. Cocktail, caramel, drogue, sexe. Car la mélodie me mène aux excès. Plus je sors, plus je m'enferme. Pas dans les boîtes, pourquoi m'en faire? Quand j'ai mal, je me noie dans les cocktails. Caramel, drogue, sexe. Car la mélodie me mène aux excès. Plus je sors, plus je m'enferme. Pas dans les boîtes, pourquoi m'en faire? Quand j'ai mal, je me noie dans les cocktails. Caramel, drogue, sexe. Caramel, drogue, sexe. Cocktail, caramel, drogue, sexe. Caramel, drogue, sexe. J'suis sur la croisette, Cannes Festival, avec mes 10 gars dans le carré VIP, on nous ramène des pizzas. Ouais, tout le monde est costumé, j'suis sous casquette, basket, mais le majordome est à nos ordres, c'est pas que j'paye avec les Aztèques. La première bouteille m'a vaguement donné le mal de mer, ma femme est à la maison, il y a des biches à ne plus savoir que faire. Je regarde par terre, j'attends que la soirée soit finie. Le serveur me tend un verre, il verse Moët et Martini. À partir de là, j'veux plus rien savoir d'autre, j'ai ce caramelo dans la poche, un cocktail à la mode, méga s'alcoolise fort. Mes gars cherchent des boulettes, tout mame sac paume et ça compte. Dans ses poches, ils cherchent des boulettes. Dans des halls qui puent la piste, on se tire, mais les joints aggravent la soirée. Comme il ne suffit plus de la vivre, on tweet et Instagram la soirée. Les petits me suivent en masse, crois que je suis en place, laisse-les parler. Ce soir, je vais me noyer dans les cocktails. Cocktail, caramel, drogue, sexe. Car la mélodie me mène aux excès. Plus je sors, plus je m'enferme. Pas dans les boîtes, pourquoi m'en faire? Quand j'ai mal, je me noie dans les cocktails. Caramel, drogue, sexe. Car la mélodie me mène aux excès. Plus je sors, plus je m'enferme. Pas dans les boîtes, pourquoi m'en faire? Quand j'ai mal, je me noie dans les... Vite pause blindé, trop de feuilles dans le jean. Vite noir teinté, oui j'ai tapé dans le mire. Six femmes avec lesquelles je fais ce que je suis censé faire. Mes cauchemars les plus laids ressemblent à tes rêves. Bon j'avoue. Genre en volant de la caisse de ma mère. Il est grand temps que j'achète de la mienne. Car dedans je peux pas faire de la merde. Libé d'Afrikaine avec de la chienne. Mais je me la pète. Ouais je me la pète. Et je continue de me la raconter. Loin de l'époque où je vagabondais. J'attends d'avoir des dollars à compter. J'ai toujours été solitaire. Un besoin vital d'oxygène. Nos prières émanent de nos misères. Corrompues par les gros billets. Parfois j'aimerais me tirer une balle. On aime les femmes. Change nos virées nocturnes en virées nuptiales. Caramel, drogue, sexe, car la mélodie me mène aux excès. Plus je sors, plus je m'enferme. Pas dans les boîtes, pourquoi m'en faire? Quand j'ai mal, je me noie dans les cocktails. Caramel, drogue, sexe, car la mélodie me mène aux excès. Plus je sors, plus je m'enferme. Pas dans les boîtes, pourquoi m'en faire? Quand j'ai mal, je me noie dans les cocktails. Caramel, drogue, sexe. Planète rap 100% rap français. Sénégal DKR. Sénégal DKR. Sénégal DKR. Sénégal DKR. Le tiers. Yeah. Faut que j'arrête de ramam. Dans ma tête c'est le Mississippi. Dans ma bouche c'est l'Alabama. Frère ici c'est le boss. Hommage boss. Avec le boss Konaté. J'suis du stock. Depuis gauche je me drogue. On m'a fait. On m'a fait. Crache sur la tombe à Bonaparte.

l'alcool se tease, c'est ça que veulent mes G's. Comme Malcolm Mérise, vos forces s'épuisent. Moi la main ne me fait pas la bise, je mets du Versace pendant la crise. Pendant que les Roumains nettoient des pare-brises, c'est la merde, il faut que tu réalises. Ne mets pas tes putains de doigts dans la prise. Alka putain de pote et DJ Weedin. Si d'ici Butter Bullet c'est la fête, encaisse une balle à ailette dans ta tête. Vas-y enfile ta plus belle chemisette. On investit dans les meilleurs tissus et on charbonne comme un cochon qui sue. On vous divertit un peu comme Guilux, mec on détruit tous les sales détritus. Pendant la crise c'est navrant les petites sus. Cache de la drogue dans le tête lapidus et je brûle la putain de feuille papyrus. Jonathan, H, l'aigle de Carthage et dans les parages. J'saccage, j'arrive à la nage pour le nettoyage. Matraquage, fais tes bagages, on part en voyage. Mes gobelins dorment dans des garages, l'exor de saccage. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. C'est ça, c'est ça, c'est ça que veulent mes G's. C'est ça, c'est ça, c'est ça que veulent mes G's. C'est ça, c'est ça, c'est ça que veulent mes G's. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Nique sa mère la crise, je glisse entre les cuisses. Je porte de belles chemises, de la bonne marchandise. Importée de Venise, se faire lécher les cerises par des misses soumises. C'est ça que veulent mes G's. Croisez les doigts pendant que je fais mes prises de voix. Que ça ne vous traumatise pas, pas tous à la fois. Un feat avec toi ça va pas. Je préfère une bonne crise de foie, une forte prise de poids. Me faire larguer par ma nana, t'es fous-toi ou quoi ça va pas. Abracadabra, tu sais que c'est comme ça que ça finira. Ta tête en sang sur ma cadavre, je suis infréquentable. Un girafe comme Jean-Claude Van Damme. Je me lève seulement si c'est rentable. Je descends de ma montagne, je viens poser mes couilles sur la table. T'as besoin d'un accord parental. C'est grave lamentable et c'est irrémédiable. J'ai la droite impitoyable de Jake LaMotta. On n'est pas normal et on nique ta morale. Mes G's veulent du Versace sous le gilet pare-balles. Du Versace par-ci, du Gucci et du Prada par-là. Repose en paix Gianni Pimsy et Jacques Vergès aussi. Mes goons ont la cote, voici ma horde morbide. Toujours en la cause mais jamais de coq sportif. C'est la monnaie qui nous motive. Chaque jour sera noir, pire que Wall Street, grosse bitch. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. C'est ça, c'est ça, c'est ça que veulent mes G's. C'est ça, c'est ça, c'est ça que veulent mes G's. C'est ça, c'est ça, c'est ça que veulent mes G's. Du Versace pendant la crise, c'est ça que veulent mes G's. Rap français, planète rap. La nocturne. Zeko et Ramos dans la nocturne. Momo, un petit commentaire. Bonsoir. Voilà. Zeko et Ramos tout de suite. C'est le compte bancaire qui gargouille le début de la fin. J'suis de ce qu'on attend au tournant, mais trop près du ravin. C'est du rap, Jamel debout, j'ai pas perdu la main. Mais j'partage mal mes sentiments, j'peux pas faire plus radin. La terrasse est règle, c'est période, elle saigne du vagin. Elle est complètement à la rue, c'est que j'suis une reine du tapin. Y'a ceux qui confondent les femmes bien et les chiennes du patelin. Tel père, tel fils de pute, c'est bien toi le père du gamin. Y'a la santé de Johnny, y'a ceux qu'on s'en branle de voir gagner. Y'a ces gosses qui attirent plus de monde qu'un macabre. J'suis pas un rappeur, y'a trop de rappeurs mais y'a pas d'artistes. Tu feras plus de buzz en foutant une plaque raciste. Je te tiens, tu me tiens par la barbe de salafiste. On ira peut-être voter pour le parti anarchiste. Je voulais te casse-tête dans le texte, mais ça faisait une ligne de trop. Tout ce que je vois quand je te parle, c'est le signe euro. Y'a les darons qui se brisent le dos dans l'usine Peugeot. Qui auront ni la retraite, ni lifting de ligne Renault. Y'a la naïveté d'un homme et la haine d'une go. Une michto qui suce plus qu'un Porsche AM Turbo. Y'a ceux qui croient trouver la meuf idéale. Y'a ceux qui la montent, la démontent comme un meuble Ikea. Je fume plus de caille, j'ai plus de crème que Nivea. Je mets tout sous mon matelas, je m'en branle de ton livret A. Y'a ceux qui disent que la vie est simple. Le seul label qui leur va sécher le hand out contre un billet de 5. 5. J'encaisse le Jagda comme le public des Ligafa. Je me pose des questions sur le sexe et l'assassin de Lady Gaga. Ma jeunesse est la caisse claire de Havoc. La patate de Balrog, la drogue m'a dit Maroc. Plus de groupes dans la loge qu'un putain de groupe de hard rock. Je me fous de la gueule du game comme le putain de Blavog. Parle leur d'argent, y'a plus d'image, plus de son. Ta carrière prend l'eau, profite-en, fais tes ablutions. J'suis un ex mauvais, j'suis un futur bon. Demande à Nicolas Cage, studio mur du son. Tout le monde a cité mon blaze, personne n'a su m'inviter. J'suis le Justin Bieber français, j'suis juste un bibé. Trop loin pour la France, flow angle américaine. Et j'vomis tout ce que j'pense comme si j'mangeais ma cervelle. T'as une grande bouche comme ta meuf, sauf qu'elle s'en sert à merveille. Le temps c'est de l'argent, j'aime prendre mon temps et me la faire belle. Zerbe, ouais. Souhaite-moi la bienvenue. Élevé sans calcium des princes de lutte. Né à poil pour crever dans du linge de luxe comme toi. J'aime faire des ennemis et de la maille honnêtement. Mais ces salopes m'appellent mon sauce que quand la mayonnaise prend. Jeune adolescent, j'espère être pas trop vexant. Mais achète mes scuds au lieu de te soigner à la halle aux vêtements. Je viens d'un monde à part, tes rappeurs n'ont plus tué tes oreilles, font chabat. J'arrive avec des textes interdits au moins de 12 ans. Je repartirai avant d'être taxé à 75%. 75%, 75%. Je repartirai avant d'être taxé à 75%. Allergique aux insignes, à Guerlain, à juste un bridou. C'est les flammes éternelles, oui, même si c'est juste un petit bout. Pupille dilatée, pleine lune, j'ai la vue d'un hibou. Non, je pose pas dans ton CD, oui, je t'offre un putain de bijou. Désolé si j'ai choqué mes petites auditrices. J'écris plus rien, je bois du bourbon. Et c'est le stylo qui pisse. Mes frérots récidives comprennent rien comme des autistes. Sont arrêtés pour possession comme dans l'exorciste. Fuck le club, les michetos, les habits de marque. Je viens venger l'honneur de mon père comme la famille Stark. Paris, c'est la monnaie. Paris paranoïaque. Paris face à l'euro. David face à Goliath. Merde. 15 dead à Marc, 15 dead à F6. J'ai le beat en I. Aujourd'hui je sens que j'existe. Mais c'est le début de la fin. Compte bancaire qui gargouille. La moitié du cerveau qui est parti en vadrouille. Leur amour qui t'élève et qui te nourrit comme moi. au bonheur après lequel tu ne cesses de courir comme moi. Les lauriers de César, sous Rome, je viens harceler, je passerai plus par les fenêtres quand j'aurai le sésame. Bourse pour Rome, pisse de l'essence, parfume se pisse dans le coma. Cette naissance de crise pour les insoumis comme moi. Tu brises le son, poudre et feu, union sans alliance. Cruise, je sais qui a fumé le rap français, mais je dirais rien, je suis pas une balance. Faut avancer, quitte à vendre du rêve à des insomniaques, qui cœur longue durée. Je rends mes banafres célèbres comme Nike. Pour ceux qu'on grandit comme moi, l'ambition a pris du muscle pour les soldats comme moi. L'enfance c'est trop près du mur, garde haute. Le game cardiaque joue ma vie à chaque pulsation. Un jacking sur les rails du succès, bitume radio station. Je donnerai tout pour rester parmi vous. Je donnerai tout, mais venez parmi nous. Je donnerai pour celles qui sont comme moi. Et c'est la fin de la nocturne 100% rap français avec la jolie voix d'Aina à l'instant et Lino d'Arsenic qui arrivera en 2014, septembre 2014 en solo. Lino, passez une bonne nuit, prochain rencard avec la nocturne dans une semaine et dès lundi 2021 à découvrir l'album Les yeux plus gros que le monde de Black M de la section d'assaut, rap R&B en non-stop. C'est reparti sur Skyrock, ciao. Yo DJ, DJ. Rap it all, be non-stop. Skyrock, Skyrock, it's my station.